An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Existe-t-il un rire spécifiquement radiophonique ? Le 1er janvier 1955, Louis Merlin lance la radio Europe numéro 1. Il dresse un petit manuel du parfait meneur de jeu. Il écrit « Le meneur de jeu est un soleil ». Le speaker est une lune. Le speaker s'adresse d'une voix puissante à ses chers auditeurs, avec un Z. Le meneur de jeu parle à l'oreille de ses confidents. Le speaker s'écoute parler. Le meneur de jeu se fait écouter. Le speaker s'écoute parler. Le meneur de jeu se fait écouter. Dans cette histoire du rire à la radio, où nous croisons le tribunal des flagrants délires, signé Furax, et pourquoi pas les grosses têtes, nous avons ici l'essence même de l'esprit radiophonique. Mathieu Letourneux, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le rire à la radio ? Peut-on dire que le rire est présent dès la mise en place de ce média sublime qu'est la radio ? Absolument. On peut même dire que le rire a joué un rôle capital dans le développement des radios en France, puisque le développement des radios en France a été assez difficile pendant tout un certain temps, pour des raisons légales. Et le vrai déploiement des radios va se faire sous la houlette de Marcel Bleustein-Blanchet, par exemple, des gens comme Marcel Bleustein-Blanchet, qui était le patron de Publicis, donc un publicitaire, et qui va faire du rire sur à Radio Cité, hein, dans sa radio, il va faire du rire le moteur d'une conception publicitaire de la radio, d'une conception donc commerciale de la radio, avec toute une série de figures dont on connaît encore le nom, même si on a oublié depuis très longtemps à quoi cela renvoie. La famille du raton, Noël, Pierre Dac, et tout un univers du rire qui va être absolument capital. Et en fait, dans la radio des années 30, s'invente l'ensemble du rire radiophonique, et au-delà du rire radiophonique, probablement, du rire médiatique, celui de la télévision, donc du rire des médias de masse. Mathieu Letourneux, vous mettez tout de suite en place les bases de la réflexion. L'histoire culturelle s'associe à l'histoire économique, évidemment. Eh bien, à un moment, il faut vendre des choses. Vous êtes professeur de littérature à l'Université Paris-Nanterre et vous avez dirigé avec Alain Vaillant, que nous avons reçu dans le cours de l'histoire, à écouter en ligne sur le site Le cours de l'histoire et sur l'application Radio France, L'Empire du rire, 19e, 21e siècle, publié au CNRS Édition. Et justement, dans cet empire du rire, tous les rires sont mêlés, mais il y a un chapitre consacré à cette histoire de la radio. Il est écrit par Jean-Didier Wagner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de la littérature des 19e et 20e siècles, et puis surtout vous avez ce regard très particulier sur un temps long sur ce qu'est cette production intéressante, hein, qui nous fait frôler la bohème. C'est le titre d'un de vos ouvrages avec Françoise Sestor. Et justement, vous vous êtes intéressé au rire à la radio. Je vous pose la même question. Le rire est consubstantiel de l'histoire de la radio? Oui, tout à fait. Disons, pas tout à fait au début, parce qu'au début, on a privilégié quand même le rire enregistré, hebdomadaire, un rire chansonnier, avec les premiers, comme a rappelé tout à l'heure Mathieu, avec les débuts de Pierre Dac. Et au fur et à mesure, le rire, comme a dit Mathieu aussi, a été associé à la publicité. Et bon, puisqu'on a parlé de Marcel Bleustein-Blanchet, il faut parler aussi, on en a parlé tout à l'heure avec le manuel de Louis Merlin. Louis Merlin va être un personnage là-dessus capital. Bleustein-Blanchet, c'est Publicis. Merlin, ça sera Havas. Et dans le département d'Havas, il va créer une cellule de création de programmes. Et bien sûr, associé au début, je dis bien au début, la publicité au rire. Et alors là, ça va être des opérations assez extraordinaires parce que ils vont créer, la radio va aller à la rencontre de son public, mais vraiment très tôt, créant des flash mobs dans Paris, utilisant le cirque. Merlin est un personnage, j'en dis deux mots quand même, c'est un personnage, d'abord c'est un élève brillant, il vient d'un milieu de petits commerçants dans l'Est, et il monte à Paris, à 16 ans, il est déjà bachelier, il prépare HEC, il sort d'HEC, et va immédiatement se lancer dans la publicité, il voit la radio arriver. Je rajouterai aussi, c'est intéressant parce que il est caricaturiste, il donne des caricatures dans la petite presse. Et enfin, en plus, c'est un fou de musical. Ce sera un grand ami de Bruno Cocatrix à l'Olympia. Et c'est un fou de cirque. Et alors, ils vont lancer quelque chose d'étonnant dans les années 50 après la Libération. C'est le Radio Circus, c'est-à-dire une sorte de caravane comme le Tour de France. Mais une caravane de cirque, c'était le cirque Grus qui offrait l'infrastructure, et ils vont proposer 2 heures de cirque et 2 heures de radio à enregistrer ou en direct, en fonction, je dirais, des endroits où ils étaient pour la capacité d'émission. Oui, voilà, des figures importantes dans l'histoire de la radio, et notamment celle de Louis Merlin. Nous l'écoutons. Le 1er janvier 1955, à 7h du matin, Europe numéro 1, comme prévu, a lancé pour la première fois sa voix. Puis nous avons arrêté à 7h20. À 7h20. Oui. Pourquoi? Car à partir de 7h10, les coups de téléphone ont commencé à pleuvoir de tous les azimuts, et notamment de Genève, car nous brouillons le radiophare de Genève et que nous empêchions tous les avions d'atterrir à Cointrin. Louis Merlin qui s'exprimait sur la création de sa chaîne Europe numéro 1 avec une vraie volonté de mettre le rire dans les programmes. Jean-Didier Wagner, justement, Louis Merlin, au moment de mettre en place Europe numéro 1 en 1955, est l'héritier d'une longue tradition du rire radiophonique. Absolument, oui. Mais il y a quelque chose qui est important. D'abord, c'est lui qui va amener Radio Luxembourg à 14 millions d'auditeurs. C'est un homme de radio. C'est un grand patron à la française. Je comparerais aujourd'hui un petit peu de façon différente, mais avec l'initiative à Pierre Lescure pour Canal+, par exemple. Et donc, Louis Merlin va s'inspirer aussi de la radio américaine. C'est-à-dire qu'il fait un voyage dans les années 45 aux USA, et on ramène un livre en 1947 qui s'appelle « Au pays de la radio libre ». Et la première chose qu'il voit, c'est que la radio aux États-Unis ne coûte rien aux contribuables, ce sont des radios privées entièrement subventionnées par la publicité, et il essaie d'imposer aussi ça. Et lorsque Europe numéro 1 va apparaître, la publicité va bien sûr, comme pour RTL, offrir la principale ressource de la station. Mais surtout, il y a une chose très différente, c'est que le speaker, mais le meneur de jeu va dire la publicité. Hein. Et c'est l'interprétation même de la publicité qui va devenir, je dirais, une sorte de temps en temps de happening, lorsque c'est par exemple Francis Birot, lorsque c'est Francis Blanche, et plus tard, lorsque Coluche s'en mêlera aussi, au risque, je dirais, d'effaroucher les rédactions. Nous évoquons beaucoup Louis Merlin et Europe numéro 1. Mathieu Le Tourneux, la radio, vous l'avez évoqué, dans les années 30, connaît un succès gigantesque. Il faut déjà parler de mass média. Il faut inscrire la radio dans un phénomène beaucoup plus large de cette culture du divertissement. Oui, il faut vraiment souligner une chose. C'est une chose que les gens oublient un petit peu, c'est l'importance capitale de la radio comme premier média de flux de masse, bien avant la télévision, et d'une façon très très puissante. Ce qui le montre le mieux pour la question du rire à la radio, c'est la famille du raton, qui s'appelait à l'origine, si ma mémoire est bonne, Autour de la table. Autour de la table. La télévision, dans les années 30, c'est un énorme appareil qui est dans le salon et qui structure la sociabilité familiale. On l'allume tous ensemble, on s'installe pour l'écouter, dans le salon ou autour de la table, et donc on a une proximité avec les speakers, les comiques, etc., qui fait que on discute en quelque sorte avec eux, ou on discute d'eux. Et donc c'est vraiment un changement capital de relation au médiatique, à la célébrité et au rire, bien sûr. Au rire, le rire qui est utilisé justement parce que il permet une certaine proximité avec celui qui l'écoute. C'est vrai qu'on ne rit pas avec n'importe qui. La radio elle-même permettant cette proximité que vous évoquez, Mathieu Letourneux. Et dans le contexte très particulier de la Seconde Guerre mondiale, le rire est utilisé. Le créateur de cette chansonnette passait jadis pour un vrai chevalier. D'autres encore, parmi tant de grosses têtes, ont dans l'épreuve complètement perdu pied. On les croyait très bien, ils étaient moches, et c'est ainsi qu'ils se sont révélés, en préférant faire des sourires aux boches, par calcul ou stupidité. Et tout ça, ça fait de mauvais Français, pour lesquels il n'est que le porte-monnaie. Faut savoir être opportuniste afin de sauvegarder ses petits intérêts. Et ils se sont mis à grands coups de Vichy au régime collaborationniste. Bien sûr, maintenant, ça devient gênant, car tout de même, ces saletés-là, quoi qu'on puisse dire, ça ne s'oublie pas. Ici Londres, Pierre Dac parodie la chanson de Maurice Chevalier. Tout ça, ça fait d'excellents Français. Bah oui, lui, ça fait de mauvais Français. Mathieu Letourneux, dans l'Empire du Rire que vous publiez avec Alain Vaillant, il y a comme ligne directrice cette démocratisation du rire. Le rire qui devient élément constitutif de reconnaissance, qui devient signe dès lors, et nous l'entendons ici avec Pierre Dac, le signe est envoyé directement avec, ben là, nous avons un élément patrimonial, une chanson de Maurice Chevalier. C'est un jeu de code en fait. Oui, en fait, cette histoire du rire à partir du 19e siècle, mais la radio en est un jalon absolument capital, c'est le rire répond à un problème. Dans une culture médiatique, ceux qui s'adressent au public sont séparés du public, ils sont à distance. Et il faut absolument qu'ils produisent de la proximité. C'est vrai déjà dans la presse au 19e siècle, ça l'est encore plus au 20e siècle avec les mass médias dont la radio est le premier exemple. Donc, il faut fabriquer de la proximité. Et cette proximité passe par des effets de connivence. Donc, la radio qui est un média qu'on peut qualifier à l'origine de fordiste, c'est-à-dire qui s'adresse au plus grand nombre avec des sujets de cohésion, doit faire appel à une culture commune, à un rire commun, à des références communes qui sont ouvertes à la plupart des gens. Donc, ça va passer par une bonne humeur, par des références simples, des références qui sont des références populaires et de moins en moins littéraires, de moins en moins liées à la haute culture. Et c'est pour ça que la chanson est très très importante. On oublie à quel point, jusqu'à il y a peu, enfin, dans un temps historique, la chanson était très largement une chanson drôle, une chanson comique. Aujourd'hui, on a tendance à penser que la chanson est triste, mais à l'époque, ça servait à faire rire, et ça servait à faire rire collectivement, parce que on retenait les paroles, et on chantait, on rechantait tous ensemble des chansons drôles, et bêtes, il faut bien le dire, parce que le rire est vraiment drôle quand il est un peu bête. Non, mais c'est très important aussi de le dire, que le rire comme ça, qui est un rire peut-être considéré comme simple, mais qui fait juste plaisir, et ce rire que l'on va retrouver pendant longtemps à la radio, hein, Jean-Didier Wagner. Il faut souligner combien ces chansons, ces radio-crochets ont été importants. C'était des moments particuliers. Je voudrais que vous nous expliquiez comment cela se construisait. Il y a tout un aspect technique. Est-ce en direct? Est-ce enregistré? Comment ça se passait? Là, on en sait quelques éléments, par exemple pour le Radio Circus, parce qu'il y a un film qui est d'ailleurs qu'on peut trouver sur YouTube, qui s'appelle Qui tout double. Et dans Qui tout double, c'est un film dans lequel Zappy Max interprète son propre rôle, et il y a un radio crochet. Les gens, c'était des choses qui étaient très, très, comment dire, artisanales. Ils s'inscrivaient, et puis des gens passaient les uns derrière les autres, et c'était un peu le public qui faisait le tri entre les bons et les meilleurs. Le crochet, normalement, était destiné à arracher de la scène celui qui avait le plus mal chanté. Voilà, c'est Canetti qui avait, trouvé le principe. Il remonte à 1934, tout de même. Et ça existe toujours, hein. quand on a les Star Academy à la télévision, c'est ou d'autres émissions comme ça, c'est encore des radio-crochets. Mais ce qui est très marrant, c'est que tous les formats radiophoniques sont des formats quand même qui se perpétuent. Hein, c'est pas, je dirais, tout n'a pas été inventé dans les années 30, mais beaucoup de choses ont été, mises au point, puis perfectionnées. Par exemple, le tribunal des flagrants des rires a eu une ou deux versions précédentes, mais pas sous la forme géniale qu'on a connue, sur des choses plus simples dans les années, 1930. Oui, attention à ne pas tousser Jean-Didier Wagner, sinon vous allez prendre une pastille, alors là, il ne faudrait pas l'avaler. France Culture. Bien, Maurice Culaz, merci, c'est un rendez-vous important et nous nous réjouissons. Les auditeurs se réjouissent. J'ai avalé ma pastille. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Docteur Schweitzer. Au secours. Et t'imagines ce que j'ai à dire derrière, c'est affreux. Je ne vais pas m'en sortir ce soir. Jacqueline Baudrier qui a avalé sa pastille à la radio. Justement, il y a de ça qui rend le rire très efficace et qu'il est communicatif. Hein. Mathieu Le Tourne, bien sûr, rien que là, nous le sentons, ça pousse à rire. Oui, tous les bêtisiers et les rires non prévus, les fous rires, les lapsus ont toujours eu un très grand succès à la radio puis à la télévision. Et la question, c'est pourquoi il y a un tel succès ? Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, c'est ce qui humanise un média qui est à distance, qui est malgré tout impressionnant. Et l'erreur crée de l'individu derrière la voix, derrière la distance radiophonique. Et donc, c'est très important parce que ça contribue à cette relation si importante dans la culture médiatique. Et je pense que le rire soit prévu, celui des chroniqueurs, ou qu'il ne soit pas prévu, vraiment l'économie du médiatique a besoin de manière absolue du rire. Des personnalités proches des Français, des chansons, vous nous l'avez dit, que chacun peut fredonner, du rire aussi, entendre rire, crée cette proximité. Et puis le radio-crochet, je crois que le cocktail est là, Fernandel. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je paris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Félicie aussi. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille. Elle ici, oh si. Je m'offris une giblotte, elle embaumait l'échalote. Elle ici, oh si. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette. Elle ici, oh si. La Ramon lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenais ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière, Félicie aussi. Je me lavais les mains bien vite, lavabo avait une fuite, Félicie aussi. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale, Félicie aussi. Il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces, Félicie aussi. Oh, des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles, Félicie. Aussi. Voilà, Félicie aussi par Fernandel dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Somaïa Dabèche avec aujourd'hui à la technique Laurie Vachon aussi. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au rire radiophonique. Ce rire radiophonique, d'ailleurs, c'est le titre de l'article que vous livrez Jean-Didier Wagner dans l'ouvrage L'Empire du Rire, 19e, 21e siècle, parce que ça va jusqu'à aujourd'hui. Justement, dans cette spécificité du rire radiophonique, il y a l'économie du rire, la posture même de celui qui reçoit le rire. La radio, est-ce un média solitaire? Écoute-t-on la radio seule? Je crois, oui. Du moins, moi, je l'associe comme ça. Je pense que chacun a un rapport singulier avec la radio, avec sa radio, avec les gens qui l'écoutent sur la radio. Et en fait, c'est quelque chose, c'est pour ça que la radio existe toujours, malgré, je dirais, la télévision, où on a dit que ça serait la fin de la radio, Internet aussi. Je pense que la radio, il y a quelque chose de magique à l'intérieur. Et il y a un beau texte de Bachelard, il y en a un autre de Roland Barthes que j'ai pas sous les yeux pour vous le citer, où il parle justement de ça, du dialogue entre la radio et la personne. Et je crois que celui qui a le mieux compris ça, c'est Jean Garetto et Pierre Caudou dans L'Oreille en coin, lorsqu'ils vont réaliser pendant plusieurs années tous les week-ends de France Inter, avec une programmation, des voix, et surtout un ingénieur du son qui s'appelle Yann Paratoen, j'espère que je n'habille, c'est son nom, qui va s'amuser, bien évidemment, avec tous les codes de la radio, qui va s'amuser à déconstruire les émissions, à faire des émissions sur des thématiques inattendues. Et L'Oreille en coin était particulièrement une émission addictive sur ce point-là, et ça se terminait aussi par L'Oreille en coin du dimanche matin, dans lequel, là, on va trouver une autre dimension de la radio dans ces temps-là, c'est-à-dire ce que j'appelle le journal radiophonique où ce que Canal Plus avait bien pensé lorsqu'il faisait son émission Le Grand Journal, il le faisait suivre d'un petit journal qui reprend un petit peu le format des journaux satiriques du 19e, c'est-à-dire un journal dans lequel on va se moquer de l'autre journal, on va se moquer du quotidien. Mais à l'intérieur de L'Oreille en coin du dimanche matin, il y avait beaucoup de choses, et notamment il y avait les imitateurs et les scénaristes, Pierre Mabille, etc., qui ont, je dirais, recréé, redonner beaucoup de souffle à la télévision, à la radio à cette époque-là. Mais Jean-Didier, il me semble quand même que quand tu dis que c'est un usage individuel, il me semble qu'il y a quand même plusieurs âges de la radio. Il y a la radio collective d'avant le transistor, il y a la radio individuelle du transistor, il y a la radio de niche de la FM. Et tu as la radio la radio d'usage diffracté d'aujourd'hui, et je pense qu'on peut décrire des modes de consommation différents pour chaque époque. Mathieu Letourneau, c'est vrai de mettre en place comme ça ce mode de consommation lié à la technique, c'est très important aussi, hein, Didier Wagner. Oui, c'est important. Oui, mais c'est-à-dire que la radio, c'est très simple. Il suffit de regarder les publicités pour la vente des postes. C'est vraiment révélateur, je dirais, de la manière dont on consomme la radio. La famille, le père qui lit son journal, la femme qui fait du crochet, les enfants qui jouent sur le tapis. Et c'est le poste des années 30 où on se réunit le soir pour écouter la radio. Bien, comme Mathieu a tout à fait raison, hein, le transistor va tout changer, l'autoradio va tout changer. Et même aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le fait, par exemple, de pouvoir faire du podcast ou du replay, de pouvoir, sur son smartphone, se composer les émissions qu'on veut écouter sans écouter la continuité des émissions, c'est quelque chose, de tout à fait intéressant. Ça n'implique pas, je dirais, qu'il y a toujours une relation, quand même, une relation très intime entre l'auditeur, et celui qui parle, qui est aussi... qui peut être une figure solitaire, hein. Écouter la nuit à la radio, c'est une voix qui parle à une autre voix. Il y a eu comme de grands exemples là-dessus, notamment sur France Inter. Et je pense que c'est un média beaucoup de la solitude aussi, ou du partage en commun. Par exemple, écouter la radio en partant en vacances, sur la route des vacances, avec soit un vieux transistor qui est accroché à la vitre, pour essayer d'avoir la meilleure onde, ou aujourd'hui la voiture connectée. oui, c'est aussi ça, oui. Dans l'histoire du rire à la radio, il y a évidemment une chronologie. Vous l'avez évoqué, Mathieu Letourneux. Dans cette chronologie, les années 1950 sont essentielles. Nous avons déjà évoqué la mise en place d'Europe 1. Quelle incidence pour le rire? Comment se construit ce rire radiophonique dans ces années fin 1950, années 1960? Alors, il faut bien voir que la radio, à cette époque, est malgré tout très soumise à la censure, et c'est un rire qui reste un rire consensuel. Alors, évidemment, dans un espace de paroles contrôlées, le rire est un espace de liberté. Et donc, il est le lieu de la transgression. Mais c'est une transgression qui s'inscrit dans un dispositif, qui est un dispositif où elle est jouée, cette transgression. Et il faut bien voir que dans la culture, dans les productions, sur des supports de diffusion de masse, les gens peuvent être choqués, mais en réalité, ils sont choqués dans un dispositif où tout est régulé, pacifié. Et je pense que vraiment la radio, on peut continuer même jusqu'aux années 70. Ce qui va vraiment transformer le rire radiophonique, c'est la FM. La FM qui va être une révolution, mais je ne veux pas anticiper sur le déroulé. Non, vous n'allez pas anticiper sur le déroulé parce que vous avez déjà évoqué ces années 1970 et c'est un moment essentiel puisque le rire à la radio est critiqué par ceux-mêmes qui produisent le rire. Attention, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On y va tout de suite. Allez, Monsieur l'abbé, regardez votre soutane, elle est verte. Eh oui, en vieillissant, le noir devient vert. N'hésitez donc pas à raviver ses couleurs avec Soutaneuf, le régénérateur de soutane, contenant de l'activotextigène à l'essence de synodes dégénérées. Soutaneuf, la résurrection de la soutane. Existe également Soutaneuf pourpre, Soutaneuf violet. Pour le blanc, devis spécial de nos laboratoires. Qu'y a-t-il de plus irritant que de tousser ou d'éternuer pendant l'office? Pour supprimer les mauvais rhumes, utilisez Rhinomycel, le livre de messe traité à l'eucalyptus et au bourgeon de pin naturel. Mon rhume est fini, je rends grâce au ciel. Merci Rhinomycel. Jésus-Christ dit qu'on m'apporte quelques pains, quelques poissons. Je les multiplie par millions et les Hébreux se réconfortent. Jésus-Christ a donc quelle malice inventé le self-service. Allez, jamais ! Je vous ordonne d'arrêter cette bande immédiatement. Oh, ben faudrait savoir ce que vous voulez, quoi. Pour une fois que j'ai l'esprit station, il s'agit bien de parler du bon Dieu. Il s'agit pas de parler de Dieu, il s'agit d'axer nos programmes sur Dieu. Vous vous moquez de nos clients, Gerbert. Ah ouais, les clients, les marchands du top, hein. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Le film avec Jean-Yann et le film de Jean-Yann en 1972. Ici, nous avons une critique très intéressante parce que c'est la critique de la publicité à la radio qui utilise le rire et dans le même temps, bon, allez, c'est une audace. Jean-Yann peut faire scandale. Il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Ben, la religion s'en est un, Mathieu Letourneux. Oui, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder et en même temps, Jean-Yann est un exemple de ce jeu avec les limites parce que plus on va avancer dans la deuxième partie du XXe siècle, à partir des années 60 et a fortiori à partir des années 70, la radio n'est plus le seul média de masse. La télévision se développe et la télévision est beaucoup plus contrôlée que la radio. Et quelqu'un comme Jean-Yann qui subit la censure à la télévision a beaucoup plus de liberté à la radio et le paradoxe, c'est que quand il critique la radio, ses limites, il est beaucoup plus libre à la radio. Toutes ces radios permettent donc à une voix de se faire entendre davantage. Et ce qui a permis à la radio, par rapport à la télévision, de se transformer, c'est justement le transistor. Le transistor, c'est juste une technique qui permet de réduire la radio et de la faire marcher avec des piles. Du coup, la radio devient une expérience individuelle. Et donc, on peut avoir des émissions qui peuvent s'adresser à certains publics. Et donc, ça commence à individualiser l'expérience, mais aussi le rire. Et on a des rires jeunes dans les émissions pour les jeunes qui vont se développer beaucoup plus à la radio qu'à la télévision. La télévision, elle, remplace le poste de radio dans le salon, donc elle est collective, elle est regardée collectivement, et la radio devient un média individuel, et c'est pour ça qu'elle permet, malgré tout, une plus grande publicité et des usages différents, avec des rires qui s'adressent à certaines personnes, les routiers sont sympas. Alors, c'est pas une émission de rire, mais c'est une émission de connivence. Et comme vont se développer toute une série d'émissions de connivence pour les jeunes, pour les routiers, pour les gens qui ne dorment pas la nuit, etc., eh bien, ces connivences permettent ce rire, justement, de proximité, ce sourire, en fait. Un rire qui est plus de l'ordre du sourire, du clin d'œil. Et ça va être quelque chose qui va se développer formidablement à la radio et qui est vraiment propre à la radio par rapport à la télévision, en tout cas jusqu'à il y a peu. Combien d'auditeurs, d'auditrices de France Culture ont découvert les grosses têtes en prenant un taxi? Eh bien justement, Jean-Didier Wagner, dans cette fabrication du rire, peu à peu, se mettent en place des spécialisations. Alors il y a des émissions fabriquées pour rire, enregistrer, d'autres en direct. Nous voyons comme ça des lignes se mettre doucement en place dans les différentes radios. Oui, en fait, il y a plusieurs formes du rire à la radio. Il y a le rire enregistré, ce que fait par exemple une station comme Rire et Chansons. Il y a des émissions propres, je dirais, indigènes de chaque radio, et aussi des maisons de production qui produisent des émissions de radio. Par exemple, on parlait de Jean-Yann tout à l'heure, il faut parler de quelqu'un qui est aussi très important, c'est Gérard Cyr, qui avec Pilote Production, avec des gens comme Daniel Prévost, vendait des émissions clés en main, à Europe numéro 1 ou à RTL. C'est un principe qui remonte. Louis Merlin était un des premiers, je dirais, avec Bleustein Blanchet, je pense, à faire ce type de packaging où on vend l'ensemble. Et aujourd'hui, c'est pareil. On s'aperçoit que, par exemple, beaucoup de comiques aujourd'hui ou d'humoristes sont à la fois, je dirais, intermédiaires, si vous voulez. Ils écrivent pour le théâtre, ils font du cinéma, ils ont des émissions de télévision, ils ont aussi des émissions de radio. Donc il y a une sorte d'intermédialité de la radio qui d'ailleurs appartient même, je dirais, aux gènes de la radio. Parce que Pierre Dac, par exemple, vient des cabarets de Montmartre. Il a son propre journal. Il écrit des chansons. Donc la radio est un pôle de communication parmi d'autres pôles, hein, auquel s'ajoute au fur et à mesure des années la télévision, puis Internet, etc. Mais ce sont plutôt les présentateurs de radio qui sont plus attachés, je dirais, à une antenne. Les humoristes voyagent. Par exemple, ces grandes figures de l'humour à la radio se retrouvent à la télévision, au théâtre également. Et puis, évidemment, pour une émission sur le rire à la radio, il faut citer Coluche. Je voudrais faire une annonce personnelle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, français, françaises, vous qui écoutez Europe numéro 1 actuellement, ici il fait chaud, on est très bien considérés et on est payé en plus. Alors si vous pouviez rire, ça nous arrangerait. Merci. Voilà, suivant. Merde, monsieur Bourré de numéro, je suis en plein chez Coluche. Je te jure. Bah, excusez-moi, monsieur Coluche, j'ai mis mon doigt dans un mauvais trou. Ça s'est pas senti d'ici, hein. Nous revenons de notre mariage, il y a toutes les filles qui sont là. Il a l'air fatigué, tiens. Ah, j'en peux plus, je suis épuisé. On a eu une journée épouvantable, hein. Tu m'as mis sur les genoux. Et attends, ça c'est la journée, tu as la nuit. Allez, c'est fini, on ferme. Circulez, il n'y a rien à voir. Coluche sur Europe 1, à différents moments de sa carrière. Et justement, ici, nous voyons très bien cette proximité qui se met en place, Mathieu Le Tourneux. Il y a même quelque chose où le micro est ouvert, sans filtre, et l'auditeur, là, se retrouve complètement. Oui, absolument. C'est même un mode d'expression, une façon de parler qui va se développer à la radio, qui annonce déjà la radio FM, qui va être vraiment l'espace qui va développer ce mode d'expression. Mais quand on y réfléchit, c'est logique. Souvent, les humoristes ont un rendez-vous régulier. Donc, on les retrouve. Et on retrouve en particulier, qu'est-ce qui nous fait rire avec un humoriste? C'est qu'on retrouve ces petits gimmicks, ces petits effets, des phrases qu'il dit régulièrement, des tonalités. Et donc, en fait, ce qui fait rire avec le chroniqueur ou avec l'humoriste régulier, c'est la familiarité. C'est un des éléments capitaux du rire. Or, le médiatique, installant des rendez-vous réguliers, favorise la familiarité et l'humoriste est peut-être celui qui incarne le plus cette logique de la familiarité dans l'espace médiatique. Et donc, oui, on les connaît, Jean-Yann, Coluche. Alors, évidemment, les générations nouvelles ne connaissent plus Coluche. Elles ne peuvent pas comprendre pourquoi Coluche faisait tant rire. Mais tous ceux qui ont été familiers avec Coluche, le reconnaissent, le retrouvent immédiatement. Et ça, c'est la personnalisation du rire. Oui, parce que quand nous entendons Coluche, nous avons, mais de manière subliminale, tous ces sketchs en tête. Et d'un seul coup, il y a une profondeur gigantesque. Et puis, il y a un autre aspect, et nous l'avons entendu ici aussi, c'est la bande. Jean-Didier Wagner, cette bande à la radio qui rigole autour des micros, c'est un des éléments du rire radiophonique. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est pratiquement un des ressorts principaux du comique à la radio. Que ça soit les émissions de Ruquier, de Nagui, il y a toujours un élément comique à l'intérieur. Ça s'articule aussi à deux choses, c'est-à-dire la chronique, hein, la chronique qui devient très importante, qui revient de loin, elle revient de la presse du 19e. Ce sont des billets d'humeur, etc. Avec certains le développement avec plus de génie que d'autres, avec plus d'écriture que d'autres. Et la deuxième chose, c'est l'imitation. L'imitation est devenue, je dirais, consubstantielle à l'émission comique radiophonique. Oui, avec d'ailleurs tout un aspect intéressant sur l'évolution même de la réception du rire. Mathieu Letourneux, nous entendons bien qu'il y a, et ça c'est quelque chose qui est véhiculé, un regret d'un rire passé. Nous pouvions rire de tout. En réalité, vous analysez plus des types de rires différents, des sujets de rire qui ont évolué. Oui, je pense qu'en réalité, on rit de beaucoup plus de choses aujourd'hui qu'autrefois. La radio était, et la télévision a fortiori, étaient des médias de peu transgressifs. La télévision et la radio le sont devenus à partir des années 80, la radio avec la FM, parce que c'est des publics de niche, et la télévision plutôt un peu plus tard, en reprenant d'ailleurs le rire de la FM. C'est devenu un peu transgressif pendant très peu de temps. Mais en fait, c'était une transgression complètement jouée, avec une impertinence qui n'était jamais vraiment cruelle. Regardons aujourd'hui ce qui se passe sur Internet. Là, la transgression, elle est partout et elle choque. Si le rire choque toujours, c'est parce qu'il est beaucoup plus choquant, beaucoup plus clivant, en particulier parce qu'il agresse des gens qui s'entendent être agressés. C'était pas du tout comme ça la radio, c'était pas du tout comme ça la télévision. Donc quand on dit on ne peut plus rire de rien, on dit absolument le contraire, selon moi, de la vérité. On rit de beaucoup plus de choses aujourd'hui, simplement. Comme on rit de beaucoup plus de choses, eh bien ça choque beaucoup plus de monde, beaucoup plus régulièrement. Jean-Didier Wagner, peut-on rire encore aujourd'hui de tout sur ce regard porté sur le rire par l'historien que vous êtes, historien de la littérature ? C'est une question, c'est un peu le débat de terminal, quoi. Mais je sais pas, je pense qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est pas tant cette question-là, le débat de terminal, parfois les questions sont essentielles, vous savez, quand on maîtrise bien le programme de terminal, déjà on sait beaucoup de choses. La question est de rire, le rire du passé radiophonique était-il un rire beaucoup plus large ou beaucoup plus ouvert? Dans l'analyse, nous voyons bien que, par exemple, il n'était pas possible de rire de sexe. Aujourd'hui, il est très possible de rire du sexe. Il y a une évolution quand même de la manière d'appréhender le rire. Mais il y a quelque chose qui était, plus violent quand même à l'époque de Coluche, de Jean-Yann, de Thierry Duron. En fait, on avait l'impression que les comiques dans une radio, c'était un lion en cage. Et qu'est-ce qu'attendait vraiment l'auditeur? C'est que ça déraille. C'était évident. C'est-à-dire qu'on allait voir jusqu'où Coluche allait pousser le système, je dirais, à sa rupture. En fait, je crois qu'il a fait 15 jours sur Radio Monte Carlo, en se moquant bien évidemment du prince Régnier. Même chose à Europe 1. Et Jean-Yann et Gérard Cyr aussi se sont amusés, vous savez, la réflexivité propre aux médias, c'est-à-dire ils sont amusés à faire une émission où on se moquait d'Europe 1 à l'intérieur d'Europe 1. C'est bien la même chose, on les a interdits au bout de très peu de temps. Mais si vous voulez, il y avait un humour qui était un peu plus, comment vous dire, un peu plus, je ne vais pas dire littéraire, mais un peu plus classique, un humour un peu fumiste qui vient un peu de la fin de siècle, un humour de l'absurde. Mais dans lequel on se réclame de Mark Twain. On parlait tout à l'heure, oui. Mathieu Letourneux. Oui, juste pour revenir sur cette idée, je pense que beaucoup, en effet, d'humoristes ont énormément choqué dans les années 70, dans les années 80. Ils ont choqué, ils ont été censurés, mais en fait, c'est parce que le rire était très contrôlé. Et donc, on choquait très facilement. Écoutons ce qui se passe sur la bande FM, ou ce qui se passait dans les années 90-2000 sur la bande FM, la nuit, où des adolescents faisaient des plaisanteries extrêmement choquantes. Regardez ce qui se passait sur Carbone 14, où on fait semblant de faire l'amour en direct. C'est de la provocation qui est sans commune mesure. avec ce qu'on a rencontré auparavant. Mais justement, les radios libres, moment essentiel, 1980, une vraie libération. Et un mot apparaît, hein, c'est ce mot trash, quelque chose qui n'existait pas, Carbone 14. Une émission sordide. Une émission d'enfer. Une émission laide. Une émission pleine de haine. Berge. Une émission pleine d'amour. Non, une émission pleine de suite. Pour moi. Ah, encore, comme ça. Ah oui. Ah, tu sens. Ouais. Ah, j'adore. Encore. Une émission qu'on écoute. Sous vide. Ou en groupe. Une émission qu'on écoute. Sous acide. Allez. Faites-nous pleurer. Faites-nous rire. Faites-nous l'amour. Ouais, faites-nous l'amour. Je te le fais. Faites-nous l'amour. Comme ça? Non. Non. Non. Non. Encore. Encore. Enfile-moi. J'aime ça. Fais-moi. Encore. Comme ça. Carbone 14, des noms à citer, Super Nana, David Grossex, des moments de l'histoire de la radio. Mathieu Le Tourneux, dans cette histoire de la radio, nous avons ce moment très particulier des années 1980 et encore pas toutes les années 1980. L'histoire du rire à la radio est aussi l'histoire du regard porté par le pouvoir sur la radio. Longtemps, l'ORTF, une certaine liberté, et puis très vite, par d'autres moyens, je ne peux pas parler de censure, mais enfin, un contrôle. Oui, absolument, il y a ce contrôle, et puis il y a cette libération de la FM, mais une libération qui se fait en deux temps, qui est très connue, hein, c'est quelque chose de très connu, mais on peut le rappeler quand même très vite. C'est un premier moment qui est un moment de liberté qui est conçu comme une liberté associative et politique. C'est-à-dire c'est la possibilité de donner la voix à des personnes qui ne sont pas représentées dans les médias. Et puis très vite, en quelques années à peine, la logique de niche de la radio va viser une dynamique commerciale et va chercher à se vendre par la provocation et par une provocation professionnalisée. Et en fait, il se passe à la radio, dans les radios libres, dans les années 80, la même chose que ce qui s'est passé, par exemple, dans la presse de bande dessinée, du glissement des petits journaux contre-culturels aux grands journaux Fluide Glacial, Métal Hurlant, etc. C'est-à-dire que ça conserve un esprit libertaire, un esprit provocateur et un esprit qui a quelque chose de contre-culturel dans les radios FM, mais le glissement de la radio libre à la radio FM commerciale est quand même une commercialisation de cet esprit. Néanmoins, moi j'insiste vraiment, je pense qu'on sous-estime l'incroyable révolution de la parole, de la relation aux individus, et puis d'un discours de jeunesse qui passe par, en effet, par des présentateurs DJ comiques qui font des plaisanteries nulles, qu'on fait entre copains. C'est vraiment d'un seul coup, ça devient des bêtises entre copains. On a entendu Carbone 14. C'est long, c'est bête, c'est too much, comme on dit, mais en même temps, faut le faire. Faut le faire à l'époque. C'est inouï à l'époque de faire ça. Oui, il y a un côté un peu bohème. Et là, je m'amuse avec cet anachronisme. Jean-Didier Wagner, vous connaissez très bien cette bohème du 19e siècle. Et nous parlons de la radiodiffusion. Y a-t-il un esprit particulier à la radio? Vous savez, cette idée que il y a une liberté complète et les limites sont à pousser sans cesse. Oui, c'est évident. Mais je mettrai... Je déclinerais le problème d'une autre manière. Par exemple, pour les radios, les petits journaux satiriques ont explosé, je dirais, sous le Second Empire, de façon, je dirais, énorme, énorme. Mais qu'est-ce qui permettait? Il permettait souvent à des écrivains qui venaient de mondes qui n'étaient pas destinés à rejoindre le champ littéraire à exister. Et en même temps, les radios libres ont servi aussi à ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, des gens ont eu la possibilité de jouer, de raconter des histoires, de chanter, et ensuite de pouvoir accéder vraiment au destin qu'ils voulaient. Et ça, là, les radios libres ont fonctionné exactement comme les petits journaux. C'est-à-dire, c'est une sorte de performatif. Puisque je chante dans cette radio-là, je peux me dire chanteur. Et la bohème, c'est toujours une question qui est celle de avoir un état au 19e, c'est-à-dire les journalistes n'ont pas d'état parce qu'il n'y a pas encore de profession de journalisme. Donc devenir écrivain à travers le journal, vous voyez, C'est comme ça que je poserais le problème. Au niveau, bien sûr, de la bohème et du folklore de la bohème, il y a des choses, bien évidemment, je dirais pour les plus anciens, jusqu'à Jean-Yann à peu près. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup le même humour, tout simplement parce qu'ils ont lu les mêmes journaux à un certain moment. Oui. Je crois que la chose est très simple. Comme ma génération a appris à rire avec Pilote. Tout simplement. Mais c'est effectivement, c'est un rire que l'on se construit et que l'on fabrique en échangeant sans cesse avec toujours cette question. Nous sommes sur France Culture. Nous parlons du rire à la radio et quelle que soit la radio. Mais sur France Culture, parfois, il se passe des choses dans les matins. Les gens ont envie de découvrir ces esthétiques de référence, ces grands moments de plaisir. C'est pas parce qu'on est désargenté qu'on n'a pas le droit au plaisir. Donc finalement, c'est un acte de foi dans la vie, tout simplement. Donc aujourd'hui, aux artistes de jour. Ah, les voilà revenus. Vous savez, Marc Lambron, il y a 38 000 vous communes. Vous passez des choses pareilles, vous me dégoûtez. Il y a 38 000 communes en France, comme on disait en 68, c'est la seconde, là. Je suis Jean-Jacques Bolli de la revue Nancy 14. J'ai présenté mon film 4 années de suite au Festival du film d'action sans jamais recevoir ne serait-ce qu'une réponse. Vous me dégoûtez, monsieur Lebrun. Lâchez tout. Bon, dites-moi. Qui êtes-vous? Justement, c'est la question qu'on peut vous poser, monsieur. Qui êtes-vous Nous l'avons démontré dans notre film. Mais qu'est-ce que c'est, ce film? Notre film, c'est un film qui montre la vérité du pouvoir de Calipancha. Résistez à la seconde venue! Vous êtes un ignorant! Inventeur des X-Files, c'est le seul feuilleton visible aujourd'hui sur la télé planétaire. Vous n'avez qu'un mot à la bouche, X-Files! Diffusé, la création du Millennium remonte à 1666. C'est l'œuvre d'un séminariste. Parlez donc de monsieur Joachim Lefranc à ce monsieur Carter et vous verrez qui est l'usurpateur. Il n'y a pas d'usurpateur, monsieur, l'apocalypse c'est à tout le monde. Vous êtes un millénariste, petit bourgeois. Je compisse. Petit bourgeois. Je compisse, c'est monsieur. Vous qui parlez de petit bourgeois. Notre film, nous l'avons fait sans subvention, sans argent sale. Oui, l'art est mort et Godard est mort avec. Oui, on connaît, oui. Diffusez, Millennium, diffusez, Millennium, diffusez, Millennium. Tenez, Jean Lebrun dans Culture Matin, le 1er avril. 1998. Dites-nous, Mathieu Le Tourneux, il y a une place pour France Culture dans l'empire du rire et le rire à la radio? Oui, il y a des papous qui traînent par ici et par là. Bien sûr, les papous ont les papous dans la tête, ont joué un rôle capital et ont imposé à la radio un rire littéraire, un rire oulipien qui a été une marque de fabrique de France Culture pendant des années. Et je pense que c'est peut-être le génie des créateurs de cette émission d'avoir réussi à inventer une identité à l'intersection du rire radiophonique et de la vocation culturelle de cette radio. Oui, parce qu'il faut bien souligner et sans cesse le rappeler, le rire est une forme et puis il y a le fond de ce qui est dit et ce n'est pas du tout incompatible. Le rire est intelligent aussi. Oui, alors pour les papous, la question de l'intelligence est plutôt une intelligence formelle, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de faire des jeux littéraires. Et là, ça tient plus à la forme. Ça tient plus à la forme. En tout cas, merci vivement à vous deux. Mathieu Le Tourneux, ce livre que vous co-dirigez avec Alain Vaillant, L'Empire du Rire, 19e, 21e siècle, CNRS édition. Et merci vivement, Jean-Didier Wagner. Vous avez écrit dans cet Empire du Rire, sur ce regard porté sur le rire radiophonique et puis sur vos ouvrages qui nous conduisent dans les promenades littéraires parisienne et jusqu'à la bohème. Merci beaucoup. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Anaïs, vous revenez sur le rapport de la commission historique sur le génocide des Tutsis au Rwanda. La commission historique missionnée par Emmanuel Macron a rendu son rapport en concluant à un aveuglement tenace de l'État français face au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Un rapport très attendu et largement salué qui permet enfin de disposer d'un bilan sur les archives disponibles. Pourtant alerté sur la dégradation d'un climat à haut risque, François Mitterrand et son état-major le plus proche ont choisi d'ignorer la gravité de la situation. Pas de complicité, mais un aveuglement. Le mot a été prononcé sans relâche par Vincent Duclerc pour présenter les conclusions de cette recherche collective. Yeah, yeah, yeah. I've been blind for a while now. Marc Ferraud, historien de la Révolution russe et du colonialisme, figure majeure de l'histoire à la télévision dans les années 90 avec son émission Histoire parallèle, s'est souvent penché sur les parcours d'hommes de pouvoir ou d'État pour tenter de toucher du doigt les ressorts de leurs prises de décision et de leurs actions. Il proposait dans un ouvrage paru en 2015 de mettre en histoire cet aveuglement, de rendre opérante cette cécité qui expliquerait les interprétations fautives des mouvements du monde et qui ferait sens pour comprendre les épisodes tragiques de l'histoire. Malgré les armées entières d'experts, de savants, d'hommes politiques prêts à nous livrer leurs analyses sur les moindres signes annonciateurs d'un changement. En parcourant le XXe siècle, de la Première Guerre mondiale, qu'on imaginait courte, à la crise de 1929, l'irruption du nazisme et du fascisme, ou l'extermination des Juifs d'Europe, en passant par la révolte étudiante de mai 68, la révolution islamique iranienne, ou encore l'émergence de la Chine comme superpuissance économique, quand on attendait le Japon à cet endroit-là, ou encore l'attaque du World Trade Center en 2001. À chaque fois, des observateurs avisés de nos sociétés ont, dans leur grande majorité, avoué après coup qu'ils ne les avaient pas vus venir, malgré les indices, les effervescences qui apparaissaient, les signes d'un tournant à venir parfois brutal. Ce qu'on savait et dont on ne s'est pas servi pour penser et pour agir. Pourquoi une relative clairvoyance prophétique parfois et pareil aveuglement dans d'autres? C'est la question qui guide cette enquête historique sur l'aveuglement. Mais si le présent peut nous surprendre, cette surprise peut aussi trouver son origine dans une mauvaise prise en compte du passé. Une autre forme d'aveuglement à laquelle le déni est intimement lié face à ce que l'on ne veut ni voir ni savoir. L'inouï dans l'histoire se retourne pour contrarier l'idée de progrès en tordant le sens que l'on aurait aimé pouvoir déceler dans l'évolution du monde. Gouverner, c'est prévoir. Marc Ferraud cite Auguste Comte. Or, la capacité de prévoir, sinon de prédire, ne peut que suivre la capacité d'analyser à courte échéance. Mais à l'échelle d'un temps plus long, les racines de l'aveuglement interrogent. C'est bien là que nous laisse le rapport de la commission du Clerc. Si l'État français n'a pas été complice du génocide au Rwanda, les racines de sa posture face au signe de la montée en puissance de la haine et de son organisation incriminent la négligence et l'inhumanité d'une grille de lecture politique obstinément aveugle face à l'essentiel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupointos, Yann Viudès, Odile Jouessel, Nicolas Berling, Juliette Corbel-Vivas. Une émission dont la programmation est assurée par Mayouen Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous évoquons l'année 1821 pour un bicentenaire, celui du soulèvement des Grecs pour leur indépendance. Quand la Grèce lutte, l'Europe exulte.